paranoïaque. Paranoïaque. Paranoïaque. Paranoïaque. Sur les bords normales, la vue rend pas mal débile. Afro débile à pile devant le greffier. Falsification, la plaque est pas lourde. Faites gaffe, les frères en poids détour. La moto faut s'en méfier. À l'affût du moindre coup de filet, pour frileux de savoir que les RG sont postés en face de sa cour. Fais le tour, la parano l'entoure. Le démon tourne autour de lui comme un vautour. Il gâche sa vie à faire des folies. D'après ce qu'ils disent, tout le monde est beau, tout le monde est joli. La paranoïa fait partie de nos murs, entassés comme du bétail, entre facture et fracture sociale. Parano jusqu'au détail, les taipans veulent détonner tout. Les cabines de la ville sont sur table d'écoute. Paranoïaque, parano, normal après avoir grandi parmi les loups-garous. Fait que sur moi tu loues. Paranoïaque. Normal après avoir grandi parmi les loups-garous. Foutons. Paranoïaque. Fume pas mal tout. La lucidité fait que sur moi tu loues. À qui faire confiance au quartier? Y'a que des loups, y'a pas que les murs qui ont des oreilles. Tout le monde écoute dès que tu l'ouvres. Paranoïaque depuis toujours, depuis le premier anorak. Allez dire à la méfiance de ne plus chercher son oracle. Les gens sont parano, calibrés, ferment leurs portes. Ils ont peur de l'inconnu, oppressés dans les transports. Toujours un œil au-dessus de l'épaule, ils évitent les petites rues sombres. L'homme est tellement persécuté qu'il a même peur de son ombre. La paranoïa te fait dire des trucs de fous, frère. La paranoïa te fait faire des trucs de fous, frère. C'est ghetto parano, réservoir dog, nouveau thriller. N'oublie pas qu'un client peut trahir un dealer. Le parano joue pas au poker, il pense que l'adversaire bluffe pas, n'a que des jokers, c'est l'œil de la démence qui voit pour lui. Paranoïaque comme Picsou, donne pas de pourliche, jamais. Paranoïaque, parano, normal après avoir grandi parmi les loups-garous, foutons. Paranoïaque, fume pas mal, tous. La lucidité fait que sur moi tu loues. Paranoïaque, normal après avoir grandi parmi les loups-garous, foutons. Paranoïaque, fume pas mal tout. La lucidité fait que sur moi tu loues. Parano, normal après avoir grandi parmi les loups-garous, foutons. Paranoïaque, fume pas mal tout. La lucidité fait que sur moi tu loues. Paranoïaque.